Légende du Calvados, Jurc. La pierre d'Yalan. Vieux dolmen druidique, la pierre d'Yalan a presque 3 mètres de hauteur, 5 de longueur, et elle est large d'1,5 mètre environ. La table repose sur 4 supports, et les alentours présentent les débris d'une douzaine de pierres, formant une forme d'enceinte circulaire. Les vieilles femmes se rendaient autrefois à la pierre d'Yalan, comme à un lieu de pèlerinage, pour obtenir que leurs enfants soient favorisés d'un bon numéro lors du tirage au sort de la conscription. Elles déposaient une branche de palmier sur le milieu de la table, en faisant 9 fois le tour à reculons, et rentraient chez elles. La tradition affirmait que bon nombre de ces femmes avaient été exaucées dans leurs désirs. Victor Brunet, conte populaire du Bocage, 1886. Lu par Sabine pour Audiocité sous la licence Art Libre.